Milo Rémy Carpoir-Curtis, président du club de golf de Saint-Prime-sur-la-Lac-Saint-Jean. Au nom de tous les membres, à mon nom personnel, des membres du conseil d'administration et de tous les employés, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2016 remplie de bon golf, de bonheur, d'amour et surtout de santé. Merci de votre support pour la relance du club de golf de Saint-Prime-sur-la-Lac-Saint-Jean. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possibles les activités et merci de nous encourager. On va parler de hockey. On sait qu'on va commencer de temps à autre à parler avec des joueurs des Saguenay de Chicoutimi. Et là maintenant, Yannick Jean a surpris un peu tout le monde et a fait l'acquisition d'un joueur qu'on peut considérer un joueur d'impact pour les Sags, Joey Ratel des Voitures de Drummondville. Il l'a acquis en retour de Ryan Verbeek qui avait également d'autres joueurs. Quoi qu'il en soit, on lui parle pour savoir un peu comment il a trouvé ça, a été échangé. Salut Joey! Salut! Joey, dans un premier temps, comment tu as trouvé ça a été échangé au Saguenay de Chicoutimi? D'abord, est-ce que tu te l'attendais? Ben écoute, je te dirais que je m'attendais un petit peu à changer d'adresse avec les rumeurs qui couraient un peu partout, mais je savais vraiment pas où j'allais aboutir en fin de compte. Puis je savais surtout pas que ça allait être aussi rapidement, je te dirais. Ça a été un petit peu un choc quand je me suis fait dire que j'avais été échangé au Saguenay de Chicoutimi. Mais en bout de ligne, c'est sûr que je suis très content d'aboutir ici. Puis j'ai très hâte de relever le défi de jouer avec les Sacs. Oui, justement. Et comment tu as trouvé ton premier contact avec... Tu as déjà un match de jouer contre Bécomo hier. C'est sûr qu'il y a toujours une petite adaptation, peu importe le calibre de jeu qu'on joue. Il y a toujours une adaptation lorsqu'on est échangé. Ton premier contact avec tes coéquipiers et ton premier match en uniforme des Sacs, comment tu l'as trouvé? Très positif, je dirais. Ouais. C'est ça, c'est sûr que comme tu as dit, il y a toujours une période d'adaptation. Savoir aussi avec les nouveaux joueurs que tu vas jouer, tu es habitué avec d'autres joueurs. Fait que là, c'est sûr que ça change, c'est différent parce que les joueurs se positionnent pas tout le temps de la même façon, pas de la même façon de jouer. Mais c'est sûr que je te dirais que mon match d'hier a été très positif. Des bonnes chances de marquer. Puis avec les gars aussi, la chimie est déjà bonne, je pense. Puis ça va être très positif. Ouais. Comment tu te définis comme joueur? T'es un marqueur, un sniper dangereux de la ligne bleue au filet, c'est-tu un peu ça? C'est sûr que je suis un bon marqueur offensif, assez naturel, je te dirais, mais surtout, je suis un joueur qui est intensif, très intense, qui est capable d'apporter de l'énergie, finir une mise en échec. Je pense que je suis capable aussi de jouer dans les deux sens, la patinoire, autant offensivement que défensivement. Un joueur d'énergie, en fin de compte. Sur la glace du Saint-Georges Vézina, sur la grande glace du Saint-Georges Vézina, comment tu vois ça? Comment tu entrevois ça? J'aime bien ça déjà parce que je te dirais que c'est sûr qu'avec mes capacités offensives, okay, ça l'aide de pouvoir jouer sur une grande glace de même, plus d'espace, plus de temps, être capable avec la vitesse de faire plus de jeux. Fait que c'est sûr que j'aime vraiment ça à date, là, je te dirais. Okay. Joey Ratel a 20 ans, dans cette dernière année junior. Tu t'enlignes sur quoi là maintenant? Est-ce que, bon, à ma connaissance, tu n'as pas de contrat avec une équipe de la Ligue nationale. Donc, ça va être quoi, l'Université canadienne, quoi? Mais écoute, c'est jamais trop tard. On ne sait jamais si ma saison continue d'aller dans le bon sens puis continue d'aller bien. Je peux peut-être aller décrocher un contrat quelque part professionnellement, mais sinon... C'est sûr qu'il y a toujours l'Université canadienne qui peut rester une option aussi. Là. OK, OK. Évidemment, c'est sûr que le contrat de la Ligue américaine pourrait être le premier objectif pour toi, là. À tout le moins. Oui, évidemment, c'est sûr que mon premier objectif, c'est sûr, c'est d'essayer d'obtenir quelque chose professionnel soit à la Ligue américaine ou quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Je reviens sur les Sags. 6 défaites consécutives, faut pas trop s'en faire. Pour le moment, c'est sûr que c'est plate. L'équipe glisse au classement. Là, ça devrait être confirmé que vous devriez acquérir les fers climat bientôt. L'important, c'est quoi? C'est de rentrer dans la grande danse, j'imagine, puis avec un gardien comme Julio Bilia, bonne défensive, Nicolas Roy qui va revenir aussi. C'est tout ça l'important, en fait? Ah oui, c'est sûr. Là, pour nous. Présentement, en fait, je te dirais, c'est sûr qu'on a encore, on n'est pas l'alignement complet. Fait que c'est sûr que c'est différent. Puis c'est un petit peu un début de saison comme pour nous parce qu'on va être, il va y avoir plein de nouveaux joueurs dans l'alignement. Fait que c'est sûr que l'important, c'est d'embarquer tout le monde dans le même bateau. Puis après ça, vers la fin de l'année, de pouvoir avoir, être allé chercher plusieurs victoires. Puis après ça, faire bonne figure en série, c'est sûr. OK. Ben, Joey Rata, gros merci. On va te suivre avec les Saguenay de Chicoutimi, puis on va peut-être se reparler un autre tantôt si les Sags vont loin. Parfait, merci beaucoup. Voilà la dernière question des Saguenay de Chicoutimi, Joey Rata.